noches muchas hay la necesidad. Praise the Lord, praise the Lord. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Welcome to this mighty program. Vous êtes les bienvenus sur ce programme puissant. And today in this mighty program, viewers, et aujourd'hui, ce puissant message, I want to focus on the deeper revelation. Je veux me focaliser sur une révélation plus profonde of the conversation that the Lord has been having with the church, à propos de la conversation que le Seigneur a eue avec l'Église. On the mighty rapture, à propos de le puissant enlèvement, even the wedding of the Lamb of God, à propos du mariage de l'agneau de Dieu, the coming of our Lord Jesus for the church, la venue de notre Seigneur Jésus pour l'Église, and in this conversation, et cette congrégation, the Lord has been speaking about the mighty and the glorious wedding of the Lamb of God. Le Seigneur a parlé à propos du puissant retour de l'agneau de Dieu. But today I want to look at the highlights of this conversation. Et today, je voudrais voir à propos de la haute lumière de cette conversation. What is the message? What is the revelation? Quel est le message? Quelle est la révélation? That the Lord is giving to the church. Que le Seigneur donne à l'Église. What is the message that is embedded? Quel est le message qui est intégré in each of these conversations, dans cette conversation, even as I've presented them to the church? Même que je vais la présenter à l'Église. What is the hidden message? Quel est le message caché that the Lord is trying to convey to the church? Que le Seigneur essaye de donner à l'Église. About the wedding of the Lamb. À propos des noces de l'agneau. And precious saints, et les saints qui sont précieux. You see that I have spoken for some time now. Vous voyez que j'ai parlé pour quelque temps maintenant. About the mighty visitation of the Lord God. À propos de la puissante visitation du Dieu Seigneur. On the 1st of November. Le 1er novembre. The year 2006. De l'année 2006. When the Lord God, our Father in heaven, quand le Seigneur Dieu, notre Père du ciel, the one and only one that knows the hour, qui est le seul qui connaît l'heure, the day and the date of the wedding of the Lamb of God, le jour et la date du mariage de l'agneau de Dieu. The Bible says not even the angels in heaven, la Bible dit même les anges du ciel, not even the Son of Man, même le Fils de l'homme, knows the date of this wedding, ne savent la date de ce mariage. But only the Father, our Father in heaven, pas seul notre Père qui est aux cieux, Jehovah El Shaddai, Jehovah El Shaddai, knows the date of the wedding, sait la date des noces. And you see that on the 1st of November, vous le voyez, le 1er novembre, in a mighty conversation, dans une puissante conversation, he came, il est venu, and again you see that on the 1st of November, et ensuite vous voyez que le 1er novembre, in a mighty visitation of the Lord God our Father, dans une puissante visitation de notre Seigneur Dieu, notre Père, he came and he spoke with me. Il est venu et il a parlé avec moi. About the wedding of the Lamb of God. À propos des noces de l'agneau de Dieu. At about 3 o'clock. Maintenant, à peu près 3 heures. On that 1st of November 2006. De ce 1er novembre 2006. What did the Lord say? Qu'est-ce que le Dieu a dit? The Lord, he opened heaven. Le Seigneur a ouvert le ciel. And out of heaven. Hors du ciel, from inside heaven, de l'intérieur des cieux, he brought forth into the sky, il a apporté ensuite dans le ciel, two mighty, deux très puissants, and golden and glorious wedding rings, en or et glorieux anneaux de mariage, completely pure gold, en or complètement pur, absolutely pure and rich gold, absolument pur et de l'or riche. And then he placed the two wedding rings, et il a placé les deux anneaux de noces, in the sky. Dans le ciel. And I've said repeatedly that the two wedding rings. Et je dis encore une fois que les deux anneaux de noces are very identical. Sont très identiques. And they are mirror images of one another. Ils sont très pareils l'un à l'autre, et comme si on les voyait dans un miroir. If you looked at them, you would see they are like mirror images. They are very identical. Vous les voyez comme dans un miroir, ils sont tellement identiques, ils sont très pareils. And when our Father is absolutely certain that I'm now focused. Et quand le Père est absolument sûr que je suis maintenant en train de fixer mes regards. And paying the total, complete attention to the wedding ring. Et que je suis en train de donner ma complète attention sur ces anneaux de noces. He began to flip them. Il a commencé à les retourner. And tilt them all around. Et les mettre de côté tout autour. So I could see all the sides of the wedding ring. Ainsi, j'ai pu voir tous les dessins de ces anneaux de noces. And after that. Et après ça, I have also said, j'ai aussi dit that the voice of the Lord, que la voix du Seigneur coming from my right hand side, venant de mon côté droit, then said audibly, il a été dit d'une manière audible that from today on, que depuis aujourd'hui all authority in heaven, toutes les autorités dans le ciel, all authority on earth, toutes les autorités sur la terre, has been given to Christ Jesus, ont été données à Jésus Christ. And precious saints, les saints qui sont précieux, the conversation does not end there. La conversation n'a pas fini là. You see that the voice of the Lord God our Father, vous voyez que la voix du Seigneur notre Dieu, he again comes up, qui encore est revenu. From the right hand side, the voice says, depuis la partie, le côté droit de la voix dit, now look and see who is seated on the white horse. Regarde et vois où est le cheval blanc. And when I looked above the two wedding rings, et quand j'ai vu au-dessus des deux anneaux de noces, at the entrance to heaven, à l'entrée des cieux, I see the mighty, glorious white horse. J'ai vu le puissant, glorieux cheval blanc. The powerful white horse, le puissant cheval blanc, that is above the two wedding rings, qui est au-dessus des deux anneaux de noces. And the white horse is so mighty, so powerful, et le cheval blanc était si puissant, si plein de force. And the way he is behaving, et la manière dont il se comporte. He makes me know that the horse is ready to go. Look, the horse is ready to go. Il m'a fait savoir que il était prêt à partir. Look, the horse is about to be released. Le cheval est en train de est prêt d'être relâché. And then suddenly the horse leaves from the right hand side of the sky. Et soudainement, le cheval blanc a quitté la partie droite du ciel. And heads to the left hand side of the sky. Et a été dans la partie gauche. And when I looked above the horse to see who is the rider of the white horse, quand j'ai vu au-dessus sur le cheval qui était en train de le monter, then I saw the glory of the Lord. Alors là, j'ai vu la gloire du Seigneur. I saw our glorious Lord Jesus. J'ai vu le glorieux Seigneur Jésus, the rider of the white horse, qui montait le cheval blanc. And he's racing with the horse across the sky. Et sa course avec le cheval à travers le ciel. As in, look, I am ready to come. Ça signifie, je suis prêt de venir. Look, I am ready. The horse is ready to be released. Regarde, je suis prêt à être libéré. And you as today, I am going to go very deep. Et vous aujourd'hui, je vais aller très profondément. I am going to give you the message. Je vais vous donner le message. What is the message the Father is telling the church? Quel est le message que le Père est en train de dire à l'Église? What is the message he's trying to convey to the church? Quel est le message qu'il essaye de convaincre l'Église? By presenting the two wedding rings, en présentant les deux anneaux de noces, the white glorious horse in the sky, le glorieux cheval blanc dans le ciel, and by saying, en disant, from today on, depuis aujourd'hui, all authority in heaven, toute autorité dans le ciel, and authority on earth et les autorités sur la terre has been given to Christ Jesus. Ont été données à Jésus-Christ. And viewers, et vous, les auditeurs, again in another conversation, ensuite, dans une autre conversation, after I went forth in our normal broadcast, quand je suis allé dans un normal, dans un une interview normale, on radio and telecast, à la radio ou à la télé, and I brought forth a special announcement to the Church of Christ, et j'ai apporté cette annonce spéciale à l'Église de Christ. In the four corners of the earth, aux quatre coins de la terre, I said special announcement to the Church of Christ. Et j'ai donné un annoncement spécial à l'Église de Christ. Prepare the way. Prépare le chemin. Christ the Messiah is coming. Christ le Messie vient. And I said repent and return to holiness. Et j'ai dit repentez-vous, revenez à la sainteté. And then you see that 25 days. Et ensuite, vous avez vu que 28 jours from that initial conversation, depuis que j'ai donné cette conversation-là, on the 26th of November, le 26 novembre the year 2006, de l'année 2006, again in a mighty visitation of the Lord at 5 a.m., encore une puissante visitation du Seigneur à 5 heures. He lifted me up above the earth, il m'a soulevé au-dessus de la terre, and he showed me the earth. Et il m'a montré la terre. And when I look at the earth, et quand j'ai regardé la terre, I see what looks like an earthquake has hit the earth. J'ai vu à quoi ressemble tremblement de terre. And when I look at the earthquake that has hit the earth, alors quand j'ai vu le tremblement de terre qui secouait la terre, I saw a lot of dust particles leaving the surface of the earth. J'ai vu un tas de particules de poussière qui partaient de la surface de la terre. I saw soil particles coming out of the surface of the earth. J'ai vu des particules de terre s'élever de la surface de la terre. But then immediately the voice of the Lord God our Father coming again from the right hand side. Immédiatement la voix de notre Seigneur le Père est venu de mon côté droit. He says, il a dit, look and see how many of them are asleep. Regarde et regarde combien sont en train de dormir. In the dust under the earth, dans la poussière sous la terre. Are caught up in the rapture. Vont être enlevés. And when I look, I see people in their glorious bodies. I realize it's not an earthquake. Quand j'ai vu ces glorieux corps, j'ai réalisé que ça n'était pas tremblement de terre. They are wearing their glorious bodies. Ils revêtaient leur corps glorieux. And they are raptured from their graves. Et ils étaient enlevés de leur tombe. And immediately, et aussitôt, the voice of the Lord says, la voix du Seigneur a dit, and the majority of them, et la majorité d'entre eux, have remained in the dust under the earth. Sont restés dans la poussière de la terre. And when I look up, I see that the glory of the Lord is mixed with the dust. Et quand j'ai regardé, j'ai vu que la gloire du Seigneur est mélangée avec la poussière. And then finally, the more they are taken up, finalement, la plupart qui ont été pris, I see the more they're in the complete glory of the Lord, qui sont dans la complète gloire de Dieu. And they were caught up with the Lord. Ils ont rencontré le Seigneur. And heaven opened. Et le ciel s'est ouvert. And they were raptured into heaven. Et ils étaient enlevés au ciel. Now today I'll be looking at. Alors aujourd'hui, je vais regarder. What is the hidden message? Quel est le message caché? What is the message to the church? Quel est le message pour l'Église? When the Lord showed me the rapturing of the dead. Quand le Seigneur m'a montré l'enlèvement de ce jour. What is the Lord trying to say to the church? Qu'est-ce que le Seigneur essaye de dire à l'Église? What is the revelation embedded in that visitation? Quelle est la révélation intégrée dans cette visitation? We all know so well. Nous savons tous tellement bien that our Father in heaven, que notre Père qui est aux cieux, does not say something, ne dit pas quelque chose, that is not relaying and conveying a message to the church, qui n'est pas un message qui convient pour l'Église. Everything he says is always directed to the church. Tout ce qui est dit est toujours, concerne toujours l'Église. The bride of Christ. L'épouse de Christ. Alléluia. Alléluia. And then after that, viewers, et puis après ça, chers auditeurs, come May the 3rd, quand le 3 mai vient, 2007, en 2007, and you see very clearly, viewers, et vous voyez vraiment clairement that in that mighty visitation of the Lord, que dans cette puissante visitation du Seigneur of the May 3rd, du 3 mai 2007, at about 5:38 a.m. in the morning, à peu près 5:35 du matin, he now comes and speaks with me again. Il est à ce moment venu et m'a expliqué encore about the rapture of the church. À propos de l'enlèvement de l'Église. But what did he say? Mais qu'est-ce qu'il a dit? He shows me the night sky. Il m'a montré le ciel pendant la nuit. I see the night sky. It is dark. It is night time. Alors j'ai vu le ciel pendant la nuit qui est sombre. I see the night sky. J'ai vu le ciel la nuit. But as I continue looking at the night sky, comme je continuais de regarder le ciel pendant la nuit, then I see heaven open again. Alors j'ai vu le ciel qui s'ouvrait de nouveau. And when heaven opened, quand le ciel s'est ouvert, from heaven he removed a clock. Du ciel, il a montré une pendule. I see that a clock has been removed from heaven and has been brought into the sky. J'ai vu que la pendule a été prise dans les cieux et a été mise dans le ciel. A golden clock. Une pendule en or. And when I continued looking at the clock, et quand je continuais de regarder cette pendule, I realized, j'ai réalisé, it is 1 minute to midnight. C'était 1 minute avant minuit. And immediately, he made me panic. Immédiatement, il m'a rempli de frayeur. It made my heart panic that, oh my God, it is going to be midnight any minute from now. Il m'a rendu effrayé et mon cœur était paniqué. J'ai dit, oh mon Dieu, il n'y a plus qu'une minute avant minuit. It's about to hit midnight. C'est le moment de rencontrer minuit. And then after that, et après ça, when I looked at the clock, quand je regardais à cette pendule, I saw the second hand running very fast. J'ai vu la seconde main aller, la seconde aiguille aller vraiment vite. And then I realized very soon it's going to be midnight. J'ai réalisé que très prochainement, il va être minuit. But when it reached a point when it was supposed to strike midnight, quand il s'est arrivé à un point où c'était tout près de minuit, it became a big writing across the sky. Il est venu un grand texte écrit dans le ciel. And the writing was in a semi-circle across the sky. Et l'écriture était en demi-cercle dans le ciel. The first semi-circle is above and the next one is right under. Le premier demi-cercle est en haut et le deuxième est juste en dessous. What did the writing say? Qu'est-ce que cette écriture dit? He wrote, il a écrit, Jesus of Nazareth, Jésus de Nazareth is coming, est en train de venir. Remember, he wrote, Jesus of Nazareth. Souvenez-vous, il est écrit, Jésus de Nazareth is coming, est en train de venir. He did not say he's coming soon. Ça n'est pas, il vient bientôt. C'est, il vient. He said, he's coming. Il est en train de venir. And I'm asking you today, et maintenant, je vous demande aujourd'hui, what is the Lord trying to convey to the church? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de convaincre à l'Église? What is the hidden message to the church? Quel est le message caché pour l'Église? What is the bottom line? Quelle est la pensée profonde, le message caché à l'Église, pour l'Église? When he presents the wedding rings on the 1st of November, quand il a présenté l'anneau de noces le 1er novembre 2006, de 2006, 25 days from then, 25 jours plus tard, showing me and talking about the rupturing of their sleep under the dust of the earth, et me montrant qu'il était en train de parler de ceux qui sortaient de la terre dans leur corps glorieux, After that, après ça, on May 3rd, après ça, le 3 mai, comes back and now presents the clock from heaven, the clock in heaven. Et après, il m'a montré cette pendule dans le ciel, le 3 mai. The heavenly clock. La pendule céleste. The time in heaven. Le temps dans le ciel. And it's 1 minute to midnight. C'est une minute avant minuit. Today, I will go very deep. Aujourd'hui, je veux parler très profondément. Even to explain to you. Même pour vous expliquer. Even to reveal to you. Même pour vous révéler. The message embedded in this conversation to the church. Le message qui est impliqué dans cette conversation à l'église. And right away. Et juste après. I want to go step by step. Je vais aller pas à pas. And wherever you are, when at home. Et où que vous soyez, même à la maison. You may want to write down some of these things. Vous aimeriez écrire certaines de ces choses. But I'll begin with the first visitation. Alors je commence avec la première visitation. The second visitation. Seconde visitation. And the third one. La troisième. And then put them together. Et ensuite, je vais les mettre ensemble. But right away. Et juste après. You see that. Vous voyez que. Our Lord God the Father in heaven. Notre Seigneur Dieu, le Père du ciel. Has lined up a systematic sequential conversation on one item, the rapture of the church. Aligner une systématique séquentielle conversation sur un point, l'enlèvement de l'église. So right away, when you put them together, le chemin juste, quand on les met ensemble, the first message you see that the Lord is conveying to the church, le premier message que vous voyez que le Seigneur transmet à l'église, is that look, the day of the rapture. Ça concerne le jour de l'enlèvement. The day of the wedding of the Lamb of God. Le jour des noces de l'agneau de Dieu. Is extremely so important to me. C'est extrêmement important. That I can make repeated visitation. Que je puisse faire plusieurs visitations on one item, sur un point, the wedding of the Lamb of God, les noces de l'agneau de Dieu. It speaks to the church. Ça parle à l'église. He is talking to the church. Il est en train de parler à l'église about the state of his heart, à propos de l'état de son cœur. He's revealing to the church for the first time. Il se révèle à l'église pour la première fois. Within this prophetic time the church has entered into. Par ce temps prophétique, l'église y est entrée. The state of his heart. L'état de son cœur. The state of the heart of the Lord God. L'état du cœur de notre Seigneur Dieu. The Lord of hosts. L'Éternel des armées. For the first time, he's opening his heart to the church. Pour la première fois, il ouvre son cœur à l'église. He said, "Look, if you want to know what matters to my heart." Regarde, si tu désires savoir qu'est-ce qui se passe dans mon cœur. It is the wedding of the Lamb of God. Alors c'est le mariage de l'agneau de Dieu. The wedding of Christ the Messiah. Les noces de Christ le Messie. Alléluia. Alléluia. So it talks to you. Alors, il vous parle. And it talks to the church. Et il parle à l'église. About the centrality. À propos du point central. Of the wedding of the Lamb of God, the day of the rapture. Des noces de l'agneau de Dieu, du jour de l'enlèvement. To the Lord God, our Father in heaven. Du Seigneur Dieu, notre Père qui est aux cieux. And with gravity, et avec la gravité, he is now speaking about this very important day. Il est maintenant en train de parler à propos de ce jour si important. With all the seriousness, avec tout le sérieux, repeatedly, à plusieurs reprises, talk about this very important day. Plusieurs reprises, il parle à propos de ce jour si important. The day of the rapture. Le jour de l'enlèvement. The day of the wedding of the Lamb of God. le jour des noces de l'agneau de Dieu. That tells you ça vous dit that if surely assurément qu'il the church is in step l'église est à un niveau with the Holy Spirit avec le Saint-Esprit that the Father is so much using now to prepare the way for the Lord. Le Saint-Esprit que le Seigneur utilise tellement maintenant pour préparer le chemin du Seigneur. Then to the church too. Ensuite, pour l'Église aussi. Alléluia. Alléluia. This day. Ce jour. Has to sit right in the heart of the church. À s'établir juste dans le cœur de l'Église. Alléluia. Alléluia. You begin to understand that first of all. Nous commençons à comprendre que, premièrement, before we start anything, avant qu'on commence quoi que ce soit, he is talking about the state of his heart. Il parle à propos de l'état de son cœur. He's revealing his heart to the church. Il est en train de révéler l'état de son cœur à l'Église. I am revealing to you what is important to my heart. Je vous révèle ce qui est important à mon cœur. And if you are walking with me, et si vous êtes en train de marcher avec moi, then this should also be equally important to your heart. Ceci doit être aussi important à votre cœur. That's the first revelation you receive. Ça, c'est la première révélation que vous recevez. And the second revelation, et la seconde révélation, second message to the church, le second message à l'Église, you look back at the life of Joseph. Vous revenez à la vie de Joseph. And this will be very deep today, that's what I say. Ça va être vraiment profond pour vous, c'est ce que je dis. Joseph has been sold into Egypt. Joseph a été vendu en Égypte. One of the sons of Jacob. Un des fils de Jacob. And when Joseph is in Egypt, et quand Joseph est en Égypte, Pharaoh, the king of Egypt, Pharaon, le roi d'Égypte, has a dream. A un rêve. Even as Joseph has been maliciously placed in jail. Même si Joseph a été malicieusement placé en prison. Alléluia. Alléluia. And you see that it was the will of the Father. Et vous voyez que c'était la volonté du Père. That Joseph be crushed. Que Joseph soit écrasé premièrement. Be placed in that jail. En étant placé dans cette prison. So that when the prophetic season is right, donc, quand la saison prophétique est mûre, then he can take up his position. Alors, il peut prendre sa position. But let's focus on this message here. Focalisons-nous sur ce message ici. Look at this. Regardez ça. Joseph is in jail. Joseph est en prison. And Pharaoh, the king of Egypt, has a dream. Et Pharaon, le roi d'Égypte a un rêve. And Joseph is the only one. Et Joseph est le seul. That can interpret the dream. Qui peut interpréter le rêve. What does Joseph tell the king? Qu'est-ce que Joseph a dit au roi? He comes before the king. Il vient devant le roi. And he tells the king. Et il dit au roi. That listen, Pharaoh. Donc, écoute, Pharaon. The reason the dream has been given to the king. La raison pour laquelle ce rêve a été donné au roi. In two forms, more than once. En deux parties, plus que une seulement. Is because the Lord of heaven, the God of heaven. Et c'est parce que le Seigneur du ciel, le Dieu du ciel. It has been decided. Ça a été décidé. He has decided, the Lord of hosts, le Dieu des armées, il a décidé that what he has shown the king in the dream, que ce qu'il a montré dans le rêve au roi will now happen, veut arriver maintenant. And very soon. C'est très prochainement. Alléluia. Alléluia. You see that Joseph comes before the king, vous voyez que Joseph vient devant le roi. And he says, the reason, the meaning of the dream. Et il dit la raison, le sens de ce rêve. The reason he showed you twice. La raison pour qu'il vous le montre deux fois. The fat cows and the thin cows came. Les vaches grasses et les vaches maigres sont venues. the corn that was doing very well and the thin corn that was withered. Le maïs qui était en très bonne santé et l'autre maïs qui était tout mince et maigre. The reason the Lord of heaven, the God of heaven. La raison pour que le Seigneur du ciel, le Dieu des cieux, Jehovah Yahweh, Jehovah Yahweh, has revealed to the king this dream, a révélé ce rêve au roi in two forms, en deux formes, in other words, more than once, en d'autres mots, plus que une, is because the matter has been decided in the throne room of God in heaven. Parce que tout ça a été décidé dans la chambre du trône du Dieu des cieux. That what has been shown to the king, qu'est-ce qui a été montré au roi, will surely take place, veut très certainement avoir lieu, and very soon, et très prochainement. Alléluia. Alléluia. And when you look at now, et quand vous regardez à maintenant, the systematic conversation, la conversation systématique, the intentional sequencing of the conversation, les séquences intentionnelles de la conversation, the wedding ring on the 1st of November, les anneaux de noces du 1er novembre 2006, 2006, and the white horse, et le cheval blanc. And then on the 26th, et ensuite, le 26 of November 2006, novembre 2006, the rupturing of their sleep under the dust of the earth, l'enlèvement de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, the same vision he gave Daniel, the prophet of God, la même vision qu'il a donnée à Daniel, le prophète de Dieu, and then on the May 3rd, et ensuite, le 3 mai 2007, 2007, the clock in heaven, la pendule du ciel, 1 minute to midnight, une minute avant minuit, all of them together talk about one thing, tous ensemble parlent à propos d'une chose, the rapture of the church, l'enlèvement de l'église, the wedding of the Lamb of God, le mariage de l'agneau de Dieu. What does that tell you now? Qu'est-ce que ça vous dit maintenant? That means the Lord is giving a message to the church. Look. Ça veut dire que le Seigneur est en train de donner un message à l'église. Regardez. The matter has been decided in heaven. Les choses ont été décidées dans le ciel. In the throne room of God. Dans la chambre du trône de Dieu. By the Lord of hosts. Par le Seigneur des armées. By the God of heaven. Par le Dieu des cieux. That the rapture will now take place, que l'enlèvement va maintenant prendre place. And very soon. Et très prochainement. What a mighty revelation to the church. Quelle puissante révélation à l'église. It talks about time. Il parle à propos du moment. The time aspect. L'aspect du moment. The urgency of the message. L'urgence dans ce message. And you see the systematic sequencing, the non-stop conversation. Et vous voyez les séquences systématiques, la conversation qui ne s'arrête pas. All space in a short time frame. Tout espacé en un court laps de temps. About one thing. À propos d'une chose. And I want you to know. Et j'aimerais que vous sachiez. That there is nothing the Lord speaks about. Qu'il n'y a rien à propos duquel le Père parle, that you don't find in the Bible, que vous ne trouvez pas dans la Bible. All his ways, tous ses chemins, all his messages to the church, tous ses messages à l'église, they are in the Bible, sont dans la Bible. Let me tell you, there is nothing the Lord will speak about to the church. Il n'y a rien à propos duquel le Seigneur parle à l'église, that you will not find in the Bible, que vous ne trouverez pas dans la Bible. If you don't find it in the Bible, si vous ne trouvez pas ça dans la Bible, then the Lord of hosts, alors le Seigneur des armées, he has not spoken to the church, n'a pas parlé à l'église. So viewers, you see very clearly, alors auditeurs, vous allez voir vraiment clairement, that the first revelation put together, que la première révélation mise ensemble, the three conversations, les trois conversations, speaks about the centrality, parle à propos de la centralité, the gravity, la gravité, the importance, l'importance, the significance, la signification. It talks about the heart of God. Ça parle à propos du cœur de Dieu. How the rapture is occupying the heart of Jehovah our Father. Combien l'enlèvement occupe le cœur de Jéhovah notre Père. It is so important to him. C'est si important that he has to speak about it repeatedly within a short time frame. Il a à parler à propos de ça plusieurs fois dans un court laps de temps. The second revelation and message to the church. La seconde révélation et message à l'Église. Is the urgency. C'est l'urgence. Which means the matter has been decided and it is urgent. Et c'est une urgence. It is going to happen and soon. Ça va arriver et très prochainement. But viewers, I want to focus now on the wedding rings. Alors, auditeurs, on va maintenant mettre notre attention sur les anneaux de mariage. When the Lord, he presented the wedding rings in the sky. Quand le Seigneur a présenté les anneaux de noces dans le ciel, what is the message? What is the deeper revelation? Quel est le message? Quelle est la profonde révélation? What is the message? What is the deeper revelation? Quel est le message? Quelle est la profonde révélation? I know in the past segments, je sais, dans les autres segments qui sont passés, I have been in a hurry, je me suis dépêché to announce it to the church, pour annoncer à l'Église, so she may prepare, comme ça elle peut se préparer, so she may know about it, elle peut savoir à propos de ça, but now I can get deep, et maintenant je peux aller plus profondément. What is the significance? Quelle est cette signification? What is the message embedded? Quel est le message intégré? In this mighty visitation. Dans cette puissante visitation. Of the wedding rings in the sky. Des anneaux de noces dans le ciel. There's one message that came out very clearly. Il y a un message qui vient à la surface très clairement. To the church. Pour l'Église. He was showing. Il était en train de montrer. How much effort and time. Combien d'efforts et de temps he has taken to develop the wedding ring. Il a pris pour développer l'anneau de noces. And I want you to know, j'aimerais que vous sachiez that in the process he made me know, que dans le procédé qu'il m'a fait connaître, that on the surface of the ring, sur la surface de l'anneau, if I were to touch the ring, si j'avais pu toucher l'anneau, first of all, it was made of very rich, pure gold. Premièrement, ils ont été faits de très riche, pur or. Absolutely pure gold. Absolument du l'or pur. And on the surface, the decoration was so deep. Et sur la surface, la décoration était très si profonde. So rich. Tellement riche. Such that on the surface were dots of richer gold. Que à la surface, il y avait des points d'or encore plus riches. He made me know that if I touched, I would feel the traction, the dots. Il m'a laissé savoir que si je touchais, j'aurais senti les aspérités, les points. On the surface of the wedding ring. Les points sur la surface de l'anneau de noces. That's how much time he took to design and develop the wedding ring. Ça montre combien de temps il a mis pour développer ces anneaux de noces. And out of pure, rich gold. Et hors du fait que c'est du pur et riche or. But what is the message? Mais quel est le message? Embedded in that to the church. Impliqué là pour l'Église. And you see, I have described over and over again. Et vous voyez, je suis en train de décrire toujours et toujours encore. Repeatedly that on the surface, the upper side. Répétant que sur la surface de la partie supérieure, the upper side of the wedding ring, la partie supérieure de l'anneau de noces, when you wear a ring, the upper side, the side that is up, quand vous mettez un anneau, la partie supérieure, c'est la partie qui est en haut, was over decorated, la partie qui est plus décorée, with diamond like gold, avec un diamant comme de l'or. Also with little dots. Aussi avec des petits points. In Spanish they say puntitos. En espagnol on dit puntitos. Little dots that are shinier. Des petits points qui brillent. and well decorated. Et bien décoré. And the inside et à l'intérieur is even well decorated with some arrays of lines and shiny as if some diamond-like mix of gold is in there. C'est même bien décoré à l'intérieur avec quelques cortèges de lignes très brillantes comme des diamants mélangés à de l'or. But what is the message to the church? Mais quel est le message à l'église? First of all, viewers. Premièrement, auditeurs. Given that every time there is going to be a wedding, chaque fois qu'il va y avoir un mariage, and every time, et chaque fois, the wedding rings are ready, que les anneaux de noces sont prêts, that tells you, ça nous dit, that that wedding is ready, que ce mariage est prêt. So it talks about the fact that in heaven the wedding is ready. Ça parle à propos du fait que au ciel le mariage est prêt. Heaven is ready for the wedding. Les cieux sont prêts pour les noces. The preparations have been finalized. La préparation est finie. When you're invited into a wedding, quand vous êtes invité à un mariage, they send you a wedding card. Ils vous envoient une carte d'invitation au mariage. And many times if you look at the wedding card, et bien souvent, quand vous regardez à la carte de mariage, you see some plating, gold plating on the card. Vous voyez deux anneaux de mariage qui sont plaqués sur la carte de mariage. Of two wedding rings. Ce sont deux anneaux de mariage dorés. And they say this is the date, the venue, and all these things. Et ils disent c'est la date, c'est l'endroit et toutes ces choses là. In other words, dans d'autres mots, it is telling you that look, the wedding rings are ready. Ça vous dit que regarde, les anneaux de noces sont prêts. That means that wedding is ready. Ça signifie que ce mariage est prêt. Alléluia. Alléluia. And I want to move to the next level. Et je veux maintenant aller à un autre niveau. I want to look at the pure rich gold. Je voudrais parler à propos du pur riche or. What is the message is given the church by producing the gold from the richer gold? Quel est le message qui est donné à l'église en produisant de l'or qui est plus riche? And I'll get down deep into the scripture. Et maintenant on peut voir plus profondément à travers les écritures. So you will understand the heart of God even toward this wedding. Et vous allez comprendre le cœur de Dieu qui concerne ce mariage. Listen to me, precious viewers. Écoutez-moi, précieux auditeurs. Pure gold is the deity of God. L'or pur, c'est la divinité de Dieu. We all know that. Nous le savons tous. And I want you to be able to know that if you do not know, take it right away. Et je voudrais que vous sachiez que si vous ne le saviez pas, je voudrais que vous maintenant l'appreniez. That pure gold, que l'or pur represents the deity, the presence of God, the nature of God. Représente la divinité, la nature de Dieu. Alléluia. Alléluia. How does one produce pure gold? Comment quelqu'un peut-il produire de l'or pur? Many times the process of producing pure gold, bien souvent, le processus pour produire de l'or pur involves passing gold en passant l'or through the purification of high temperature heat. À travers la purification d'une très haute température. The fire. Le feu. Alléluia. Alléluia. And when gold is passed through the fire, et quand l'or passe à travers le feu, the impurities, the bronze, the iron, the silver, les impuretés, le bronze, le fer, l'argent, they get out. The other metals are definitely purified out. Sont rejetés, les autres métaux sont rejetés dehors. And then one remains with pure gold. Après, ce qu'il reste, c'est l'or pur. And that's why when you go into a shop that is selling wedding rings, quoi, quand nous allons dans une boutique qui vend des anneaux d'or, right away, if somebody were to walk in to buy wedding rings, si quelqu'un veut entrer dans une boutique pour acheter un anneau de mariage, right there in a shop, juste dans cette boutique, in a store that is selling wedding rings, dans la boutique qui vend les anneaux d'or, and you see that there are many types of decorations, et vous voyez qu'il y a beaucoup de types de décorations, and wedding rings, dans les anneaux de mariage, but you find that the wedding rings are classified, et vous voyez que les anneaux de noces sont classifiés, based on the purity of the gold, d'après la pureté de l'or. Alléluia. Alléluia. And based on the wedding ring that somebody would buy, et basé sur les anneaux d'or que quelqu'un voudrait acheter, right away you can tell, tout de suite vous pouvez dire, the nature of the bride. La nature de l'épouse. It speaks about the nature. You can imagine already. Ça parle à propos de la nature. Vous pouvez imaginer déjà. The nature of the bride going to wear the wedding ring. La nature de l'épouse qui va mettre ce anneau d'or. Alléluia. Alléluia. And so the Lord our God in heaven. Ainsi, le Seigneur. Notre Dieu des cieux was essentially revealing to the church était essentiellement en train de révéler à l'Église the character, le caractère and the nature of the bride of Christ, et la nature de l'épouse de Christ, the nature of she that is going to wear this wedding ring, la nature de celle qui va porter cet anneau d'or. And let me tell you one thing. Laissez-moi vous dire une chose. The more purified the gold is, le plus l'or est purifié, the more expensive, the more precious, plus il est cher et précieux, that gold is, plus cet or précieux est cher. Let us look at the Bible. Regardez dans la Bible. And see where he talks about this. Et voyez où il est parlé à propos de ça. Alléluia. Alléluia. The book of Zechariah. Zacharie. Chapter 13. Chapitre 13. I'm reading today from NIV. Je lis aujourd'hui de la version anglaise NIV. And this is what he says, Zechariah chapter 13, verses 7 on. C'est là ce qu'il dit dans le livre de Zacharie, chapitre 13, verset 7 et suivant. He says, il est dit, awake, O sword, épée, lève-toi, against my shepherd, sur mon berger, that's the pastor, donc le pasteur, against the man who is close to me, contre l'homme qui est mon compagnon, qui est proche de moi, declares the Lord Almighty, dit l'Éternel le Puissant, strike the shepherd, frappe le berger, and the sheep will be scattered, et que les brebis se dispersent. I will turn my hands against the little one, et je tournerai ma main vers les faibles. Alléluia. Alléluia. Verse 8 says, le verset 8 dit, in the whole land declares the Lord Almighty, dans tout le pays déclare l'Éternel puissant, two-thirds will be struck down and perish, les deux tiers seront exterminés, périront. Alléluia. Alléluia. Yet one-third will be left in it, et l'autre tiers restera. And it says in verse 9, il est dit au verset 9, this one third, je mettrai ce tiers, I'll bring into the fire, dans le feu. Alléluia. Alléluia. Again I repeat, est-ce que je peux répéter, this one third, je mettrai ce tiers, I'll bring into the fire, porterai dans le feu. You can already see where I'm heading to. Vous pouvez déjà voir où je vais. I'll refine them like silver, je le purifierai comme on purifie l'argent, and test them like gold, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Alléluia. Alléluia. They will call on my name, il invoquera mon nom, and I will answer them, et je l'exaucerai. I will say, they are my people, je dirai, c'est mon peuple, and they will say, the Lord is our God, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Alléluia. Alléluia. What a mighty revelation to the church. Nous, quelle puissante révélation pour l'Église. And so viewers, you see that, auditeurs, vous voyez que, by the Lord presenting two golden wedding rings, quand le Seigneur présente deux anneaux d'or de mariage, on the 1st of November, le 1er novembre, the year 2006 at 3 a.m. à l'année 2006 à 3 heures du matin, and revealing to me, me révélant, that the two wedding rings are made out of pure gold, que les deux anneaux de noces ont été faits en un or très pur, very highly refined gold, de l'or extrêmement fin, the highest level of refinement one can ever reach, le plus haut raffinement de purification que personne ne peut encore lire. The Lord is essentially le Seigneur est essentiellement revealing to the church, il révèle à l'Église the character, le caractère, the nature, la nature of the bride of Christ, de l'épouse de Christ that will wear the two wedding ring, qui va porter l'agneau de noces. And now, et maintenant, I have taken you to the first level, maintenant, je vous ai amené au premier niveau. And I've spoken about the process, et je parle à propos du processus that leads to the refining of gold, qui conduit au raffinement de l'or. So gold can reach the level of pure gold. L'or peut atteindre le niveau de pur or. No impurity. Sans impureté. That is the highest gold, by the way. Alors de cette manière, ça donne l'or le plus raffiné. You see that? Vous voyez ça? And I've said, et j'ai dit, that gold must be passed through fire. Cet or doit passer par le feu. Refined. Raffiné. And when you pass gold through fire, what do you see? Et quand vous passez l'or par le feu, qu'est-ce que vous voyez? The bronze, le bronze, the iron, le fer, the aluminiums, l'aluminium, the silicas, la silice, the silicones, le silicium, all the other metals, they leave, they're purified out. Tous les autres métaux, ils quittent et ils sont tout est purifié. And he says, and I'll test it like gold, I'll test them like gold. Et il dit, je veux les éprouver comme de l'or. And you see essentially, et vous voyez essentiellement that the Lord was revealing to the church, que le Seigneur est en train de révéler à l'Église that this is the time, que c'est maintenant le temps for you to be purified, pour vous d'être purifié. What a mighty revelation to the church. Quelle formidable révélation à l'Église. Essentially, look, essentiellement, regarde. Like the pure gold are purified, comme l'or pur est purifié. Alléluia. Alléluia. Purifying by fire, purifié par le feu. To get pure gold, pour avoir de l'or pur. You too now you need to go through a process. Vous aussi, vous avez besoin d'aller à travers un processus of spiritual purification, de purification spirituelle. Alléluia. Alléluia. And in Zachariah you see, et dans Zacharie, vous voyez, he is reflecting on the same purification, il est reflété dans la même purification of these latter days, de ces derniers jours. And what do you see there? Et qu'est-ce que vous voyez là? Essentially in Zachariah, essentiellement, Zacharie, you see the God that created all men, created the entire church. Vous voyez que Dieu, qui a créé tout homme, a créé l'Église entière. He is now able to come and say, look, il veut maintenant venir et dire, regarde, I will strike the shepherd, je vais frapper le berger, and 2/3 of the sheep will be scattered, I'll strike them too. Deux tiers des brebis vont être frappées elles aussi. Two-thirds, he says. Deux tiers, il dit. And then finally he says, et finalement, il dit, the one-third, which is a minority, le tiers qui est une minorité, and I want to use the word remnant, et je désire employer ce mot, le restant, in Spanish, remanente, en espagnol, remanente, the remnant that will remain, le restant qui va rester, that is mine now, est à moi maintenant. I'll pass them through the fire. Je veux les passer à travers le feu. Alléluia. Alléluia. And I'll test them like gold. Et je veux les tester comme de l'or. I'll purify them like silver. Je veux les purifier comme l'argent. But test them like gold. Mais les éprouver comme l'or. Which means I'll test the gold in them. Ça signifie que je veux tester l'or en eux. The Lord essentially was speaking about the prophetic time. Le Seigneur est essentiellement en train de parler à propos du temps prophétique. for the purification of the church. Pour la purification de l'Église. And you see very clearly, et vous voyez vraiment clairement, that he uses the word remnant, utilisez le mot le restant, the one third, le tiers, the majority who strike. Il veut exterminer la majorité. The same God that created the entire church, le même Dieu qui a créé l'Église entière, now it talks about striking two thirds. Maintenant parle à propos de frapper les deux tiers. How possible is that? Comment était-ce possible? Let me reveal to you this. Laissez-moi vous le révéler. It speaks about the fact that il parle à propos du fait que by his nature, par sa nature, our God is holy. Notre Dieu est saint. And he has zero tolerance to sin. Et il a zéro tolérance à propos du péché. As much as he loves the church, autant il aime l'Église. As much as he loves everybody, autant il aime chacun. He has to fulfill the word, the Bible. Il a à accomplir la parole, la Bible. And the Bible says, et la Bible dit, he has to judge sin. Il a à juger le péché. In other words, for another level, dans d'autres mots, à un autre niveau, he's talking about, il est en train de parler à propos the state of the fall in the church. L'état de chute dans l'Église. Alléluia. Alléluia. The only way he will need to purify the church, le seule manière dont il a besoin pour purifier l'Église, is if there is a fall. C'est s'il y a une chute. If there is contamination with other metals, s'il y a contamination avec d'autres métaux, with impurities, avec impureté. Alléluia. Alléluia. And look at this now. Regarde maintenant à ça. And then he says, ensuite il dit, the majority will be hit out. La majorité va être rejetée dehors. He will strike them out because he has to judge sin. Il va les frapper dehors parce qu'il a à juger le péché. And because the servants, parce que les serviteurs, have taught in a way that has compromised with sin, ont enseigné d'une manière qui les a compromis avec le péché, has accepted sin, ont accepté le péché within the word they teach, dans la parole qu'ils enseignent. Alléluia. Alléluia. Somebody listen to this. This is deep now. Que quelqu'un écoute ceci, c'est profond. Because the church has been comfortable with sin, parce que l'Église s'est trouvée confortable avec le péché, has developed a compromising position with the world, a développé une position compromettante avec le monde, with sin, avec le péché, essentially the sinful desires of the heart, essentiellement les désirs impurs du cœur. The flesh is what I'm talking about, the world in your heart. La chair, c'est dont je suis en train de parler, le monde dans vos cœurs. Sin has entered the heart. Le péché est entré dans le cœur. Sin has entered the church. Le péché est entré dans l'Église. But by his nature, mais par sa nature, our God must fulfill this word to the letter. Mais le Seigneur doit accomplir à la lettre sa parole. So he must judge sin. Alors, il doit juger le péché. And so that's why you see that the same God that created them is able to scatter. Et comme ça, vous voyez, le même Dieu qui les a créés est capable de les disperser. And strike down the two thirds. Et de frapper les deux tiers. The shepherd. Le berger. And then he strikes down even the sheep. Et il frappe même les brebis. And while you are still holding on that, et maintenant que vous êtes encore en train de penser à ça, the book of Hosea, le livre d'Osée, Hosea chapter 4, just hold on to that, don't lose that. Le livre de Hosée chapitre 4 dit, ne perdez pas ça. He is coming and he will strike both the shepherds. Il vient et il veut frapper les bergers. And then he will also strike the sheep. Il veut aussi frapper les brebis. Because he has zero tolerance to sin. Parce qu'il a une tolérance zéro à propos du péché. Now I'm looking at the book of Hosea. Maintenant, regardez le livre de Hosée. Look at what he says, Hosea chapter 4. Regardez ce qu'il est dit dans Hosée chapitre 4. Verse 8 and 9. Les versets 8 et 9. He says, il dit, they feed on the sins of my people. Ils se repaissent des péchés de mon peuple. That means they compromise, they profit. Ça signifie qu'ils font des compromis, qu'ils font des profits. From the sins of my people, hallelujah. Des péchés de mon peuple, alléluia. And he says, they relish their wickedness. Ils sont avides de ces iniquités. Which means they encourage it so they can benefit. Ça veut dire qu'ils les encouragent parce qu'ils peuvent en profiter. If they preach a tougher gospel, si ils prêchent un évangile plus difficile, a gospel that rebukes sin, un évangile qui repousse le péché, a gospel that has zero tolerance to sin, un évangile qui ne tolère aucun péché, zéro tolérance au péché, it is unpopular. Ça n'est pas populaire. The majority will leave. La majorité va quitter. To other churches. Dans d'autres églises. That have a lot going with the popularity of the world. Parce que la plupart vont avec la popularité du monde. The pleasures of the world. Les plaisirs du monde. Alléluia. Alléluia. And look at what he says, verse 9. Regardez ce qui est dit au verset 9. And it will be. Et il sera. Like people, like priest. Du sacrificateur comme du peuple. I will punish both of them. Je les châtierai selon leur voie. For their ways. Selon ses œuvres. And repay them. Et je lui rendrai. For their deeds. Selon ses œuvres. Isn't that a mighty revelation to the church? Est-ce que c'est pas ça une révélation puissante pour l'Église? Essentially. Essentiellement, by presenting pure gold, en présentant de l'or pur, which is refined through the fire of the Lord, qui est raffiné à travers le feu de Dieu, removing the impurities, enlevant les impuretés. And look at this, somebody. Et regardez à ça, vous. Usually, let's get deep into this. Allons plus profondément ici, là-dedans. Usually you begin with a huge lump. Ordinairement, nous commençons avec une grosse masse of some impurity of gold. D'or qui n'est pas pur. The more you purify it out, le plus vous enlevez ces impuretés, the smaller the amount of gold you end up with. Le plus petit morceau d'or pur vous aurez. Alléluia. Alléluia. The more you increase the purifying, plus vous purifiez, 13 carats gold. 13 carats d'or. There is a nomenclature of classification. 13 carats d'or, c'est une nomenclature de classification. And that's why I said if you work in a store. C'est pourquoi je dis si vous allez dans une boutique that is selling gold, golden wedding rings, qui vendent de l'or, des anneaux de noces. By the way, someone walks in to buy a wedding ring for his bride. Voilà, quelqu'un entre pour acheter un anneau d'or pour sa future épouse. You can already imagine, you can already from your mind figure out. On peut déjà imaginer, on peut déjà se figurer. The character and the quality of the bride. Le caractère et la qualité de l'épouse. It speaks a lot about the quality of the bride. Ça parle beaucoup à propos de la qualité de l'épouse. And the importance of this wedding. Et l'importance de ce mariage. And so I'm saying, you begin with a lump of impure gold. Et j'ai dit que vous commencez avec une masse d'or impur. But the more you refine it, et plus vous le raffinez, the more you refine her, et plus vous la raffinez, the more you end up with a very small amount, a remnant, plus vous terminez avec très peu, un restant, of pure gold, de l'or pur. Hallelujah. Hallelujah. And that's what he's saying in Hosea here to confirm. Et c'est ce qu'il dit dans Hosea pour confirmer. What he said in Zechariah chapter 13. Et c'est ce qu'il dit dans Zacharie chapitre 13. That is the message to the church. Ça c'est le message pour l'église. The message of the wedding rings in the sky. De l'agneau de noces dans le ciel. And I want you to know that even as we speak now. Et j'aimerais que vous sachiez que même si nous parlons maintenant, the wedding rings are in the sky. L'agneau de noces est dans le ciel. Alléluia. Alléluia. And so the purity of the gold. Et alors la pureté de l'or speaks about the purification of the church. Parle à propos de la purification de l'église. And we have seen here that because the church has compromised. Et nous avons vu ici que parce que l'église s'est compromise. The same loving God. Le même Dieu aimant. The same God of the Bible that created man. Le même Dieu de la Bible qui a créé l'homme. Is able to judge sin. Est capable de juger le péché. Judging the priest. Jugeant les prêtres. And 2/3 of the sheep. Et 2/3 des brebis. He ends up with the remnant. Il finit avec le reste. You see that? Vous voyez ça? And look at what he does with the remnant. Et regardez ce qu'il fait avec le reste. He says, I'll pass them through the fire. Il dit qu'il veut les passer à travers le feu. Which means refine them further. Qui signifie qu'il veut encore plus les purifier. To reach the purity. Pour arriver à la pureté. Of the deity of God. De la divinité de Dieu. The pure gold we are talking about here, somebody. L'or pur dont nous parlons ici. Let me bring you to another level, hallelujah. Laissez-moi vous amener à un autre niveau, alléluia. If you look at the design of the tabernacle of the Lord. Si vous regardez le dessin du tabernacle de Dieu. And when the Lord called me. Et quand le Seigneur m'a appelé. In the year 2003. Dans l'année 2003. For 32 consecutive nights. Pour 32 nuits consécutives. He was showing me the design of his tabernacle. Il m'a montré le dessin de son tabernacle. The temple of the Lord God, the Lord of hosts in heaven. Le temple du Seigneur, du Dieu des armées dans le ciel. And you see very clearly. Et vous voyez très clairement that there is a relationship between that design. Qu'il y a une relation entre ce dessin. And what Moses is describing, even in the Old Testament. Est-ce que Moïse a décrit dans l'Ancien Testament? No wonder he told Moses, "Build like I've shown you in heaven." Pas étonnant qu'il ait dit à Moïse, fais-le comme je te l'ai montré dans le ciel. Including the ark of the new covenant now that we have. Incluant l'arche de la nouvelle alliance que nous avons maintenant. But at that time, the ark of the covenant, the ark of the testimony. Mais à ce temps, l'arche de l'alliance, l'arche du témoignage. Look at this, somebody. Regardez ça, vous. There is the inner court. If you look at the earthly sanctuary. La cour intérieure, si vous regardez à propos du sanctuaire terrestre. There is the inner court called the Holy of Holies. Il y a une cour intérieure qui s'appelle le Saint des Saints. Where the ark of the testimony. Où l'arche du témoignage. The ark of the new covenant that we have today. L'arche de la nouvelle alliance que nous avons aujourd'hui. With the blood of Jesus there. Avec le sang de Jésus là. Where the ark of the new covenant is. Où l'arche de la nouvelle alliance est. Is called the Holy of Holies. S'appelle le Saint des Saints. But before that. Mais avant ça. Is the curtain and the holy place. Est le rideau et la place sainte. Hoy mucho se pierde. Vagan como ovejas sin pastor.